Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La vieillesse, ce joyeux naufrage », une série de Virginie Bloch-Lenné réalisée par Clotilde Pivin. Au départ de cette série, il y a une tendresse pour le grand âge et ses corps émouvants et effrayants qui nous tendent un miroir. Il y a la vie qui continue, des souvenirs qui prennent toute la place, des horizons rétrécis, mais aussi la liberté, l'humour et puis quand même un peu la peur de la mort. Alors pour commencer, les personnages. Un rescapé d'infarctus, une femme curieuse de la fin de l'histoire, un vieux père et son jeune fils, un homme mort bien entouré et un vieux qui fuit les vieux. Ensuite le décor, le souvenir de Foucault, Tolstoï, un cigare, un livre, une potion bien amère, une pierre tombale, le droit de mourir dans la dignité et quelques fantômes. Aujourd'hui, 4e épisode, on espère que ça ne fera pas trop mal. La mort, dernière aventure, Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. In the palm of my two hands, hold each other. That feels different from when your hands are in mine. Adieu, ma vie. Je fais la belle. Adieu, ma vie et ses tracas. Moi je me tire pour toujours, j'ai rencontré le grand amour et je ne veux pas, et je ne veux pas le mélanger à mon passé, à mes ennuis de chaque jour. Pour cette fois, vous ne m'aurez pas. Ça, si je savais que je pouvais m'en aller dans la journée, je serais enchantée de m'en aller, ça vraiment ravie. Mais à partir du moment où je vis, je fais tout ce qu'il faut pour pouvoir me maintenir. Là, je vais avoir toutes des séries de kiné, de genoux, de la hanche, j'ai plein de trucs qui vont pas, bon, mais il faut faire, je fais ce qu'il faut pour que ça tienne, que ça aille, voilà. Judith Magre, qu'est-ce que vous me racontez, hommage à l'âge? Je ne rends aucun hommage à l'âge. La vieuxerie est une chose horrible, donc c'est même pas la peine de parler ça. Tant qu'on se tient. La mort, c'est quelque chose à laquelle je ne pense pas. Je sais qu'elle va arriver un jour ou l'autre. Je sais que je ne suis pas éternel. C'est quelque chose qui ne m'effraie pas. André Fitoussi. Comme j'assume mon âge, c'est quelque chose qui vraiment ne m'effraie pas. Je sais que je vais partir un jour. Ce qui m'embête le plus, c'est de vous laisser tous et que moi, je sois parti. Ça m'embête vraiment. Vous allez continuer à vivre et moi, je serai parti. Ça m'embête. C'est la seule chose qui m'embête réellement. Il y a une phrase, un dicton qui est qu'on vieillit comme on vit. C'est-à-dire que les personnes âgées, elles sont celles qu'elles ont été plus jeunes. Est-ce que ça se vérifie si vous pensez à vos amis dans le caractère? Est-ce que le caractère reste le même? Alors, c'est une bonne question. Mon caractère, semble-t-il, j'étais quelqu'un d'absolument imbuvable, semble-t-il. Moi, je ne me suis jamais trouvé imbuvable. Mais en fait, quand j'ai eu mon infarctus, je fais en quelque sorte un retour sur moi-même. J'ai pensé à beaucoup de choses et j'ai eu un peu une espèce de petit recul. Il y a des choses que j'ai vues avec un peu plus de sérénité, avec des choses que j'estimais intéressantes, qui ne l'étaient pas vraiment, j'ai vu les choses d'une autre façon. Sans me l'avouer, peut-être, que j'avais frôlé, peut-être, si vous voulez, j'avais frôlé la mort, j'ai essayé de moins me mettre en colère, j'ai essayé de voir les choses autrement, de comprendre les gens un peu mieux. Et ça dure encore, ça peut durer encore. Je me mets parfois en colère, hein, je suis pas devenu un ange, hein, ne croyez pas. Mais c'est un retour sur moi-même. J'ai jamais fait mystère de ma date de naissance, de mon âge. Qu'est-ce que ça apporte l'âge sur scène? Jeanne Moreau, 2009. J'en sais rien, ça apporte une pérennité. La vie, il est bien dit dans la Bible que c'est une vallée de larmes, c'est exact, mais c'est une vallée, donc il y a un fleuve, il y a des montagnes, il y a des beautés. Et une vie, c'est une expérience unique. Qu'est-ce qu'on vit de plus intime que sa propre vie? C'est intéressant de voir où ça mène. Bien sûr que l'idée de la mort, c'est quelque chose d'absolument compliqué, scandaleux. Mais il n'empêche, l'expérience de la mort, l'idée de la mort, l'angoisse de la mort, on n'attend pas d'être vieux pour s'affronter à ça. Voyez. Benoît Verdon, vous êtes psychologue, psychanalyste, et vous êtes spécialiste des personnes âgées. Qu'est-ce qui change alors lorsque quelqu'un vieillit dans sa confrontation avec l'idée de la mort? La mort devient une compagne quotidienne. On sait très bien que des enfants peuvent faire l'expérience très douloureuse de la mort sans parfois toujours bien comprendre ce dont il s'agit, parce qu'ils perdent un poisson rouge ou un autre animal de compagnie plus difficile à remplacer. Ou évidemment quand ils perdent un grand-parent, ou voilà, ou pire, un parent ou un frère, une sœur. L'inscription de la mort dans la vie psychique, elle peut être, précoce. Mais tant qu'on grandit, c'est pas sans raison qu'on emploie des mots différents. On grandit, on mûrit, puis on vieillit. Il y a quand même des modifications du corps en termes de fragilisation qui donnent bien à penser qu'il y a quelque chose de la mort qui est là. Donc, la mort comme compagne au quotidien, on n'attend pas d'être vieux pour forcément être au fait de ça, vraiment. Ça ne veut pas dire qu'on est déprimé, puis qu'on a des pensées morbides ou autres, pas du tout. C'est juste qu'on peut se faire au fait que la mort, ça fait partie de la vie, et que c'est même sans doute ça qui lui donne un prix tout à fait important. Voilà, c'est qu'on sait que ça va se terminer un jour et que ça vaut vraiment le coup d'être vécu dans les meilleures conditions possibles. Il y a Paul Nizan, que j'ai beaucoup aimé lire, et qui, à 26 ans seulement, a cette formule que je trouve très, très éclairante. Voilà, seulement à 26 ans, c'est-à-dire qu'il n'était pas lui travaillé par son propre vie. Il est mort jeune, malheureusement, parce que je crois qu'il a été tué pendant la guerre, mais il n'est pas mort de sa vieillesse. Et à seulement 26 ans, c'est dans Aden Arabi, et il dit « La mort me dégoûte si elle est moins la négation de tout ce qui va venir qu'une disposition encore humaine, comme la maladie, le froid, la douleur physique. La véritable mort est ce qu'elle est, ce que la vie n'est pas, ce qu'est l'état d'un homme quand il ne pense rien, quand il ne se pense pas, quand il ne pense pas que les autres le pensent. » Ça, je trouve que c'est remarquable, à 26 ans, de pouvoir avoir cette lucidité-là, que bien sûr que la mort, au terme d'une vie, qu'elle soit courte ou longue, c'est évidemment quelque chose de très difficile à appréhender. La mort de soi et la mort des êtres qu'on aime, ou de ces gens que nous ne connaissons pas et dont nous entendons parler grâce aux médias. Mais la mort dans la vie psychique, voyez, qui fait que quelqu'un ne pense plus, ne se pense plus, et ne pense plus qu'on puisse le penser lui, ça c'est une catastrophe psychique. Il n'y a pas besoin d'être vieux, malheureusement, pour éventuellement vivre ça. C'est souvent à la mort. Ah non, pas du tout, pas souvent, non. Non, ça ne m'inquiète pas du tout. Moi, tant que j'arrive à... Moi, j'aime bien, je suis indépendant. Ah bon, je vis tout seul avec mon fils parce que je suis divorcé, comme malheureusement beaucoup de personnes, je suis divorcé. Et le fait maintenant d'avoir 78 ans, bon, je suis très bien tout seul. J'ai plein de personnes. J'ai mon fils qui est encore à Charles parce que lui, il ne veut pas quitter le foyer. Donc, il a la maison, il a son coin, sa chambre, il reçoit ses copines, enfin bon, il fait ce qu'il veut, c'est son problème. Et tant qu'il est là, il a 23 ans. Moi, je lui donne encore jusqu'à 25 ans. Après 25 ans, j'aimerais bien que... Ben oui. Ah, vous n'avez pas envie de rester avec lui ? Ben, je voudrais quand même qu'il prenne son envol, comme tous les gens, parce que c'est trop facile, vous comprenez. Vous n'avez pas vu le film sur Thierry, là où Tanguy. Tanguy qui reste chez ses parents jusqu'à je ne sais pas quel âge. Moi, je trouve qu'arrive à un certain âge, quand même, un enfant, enfin, comme personne, a besoin de prendre son essor. Et puis, vous ne croyez pas, non ? Hemingway, le vieil homme et la mère. Quand le jeune garçon revint, le vieux dormait dans son fauteuil et le soleil était couché. Le jeune garçon enleva du lit la vieille couverture militaire et la disposa par-dessus le dossier du fauteuil sur les épaules du vieux. C'étaient de curieuses épaules, puissantes en dépit de la vieillesse, le cou aussi conservait de la force. On en voyait moins les stries dans cette posture de sommeil qui maintenait la tête penchée en avant. La chemise du vieux avait tellement de pièces qu'elle ressemblait à la voile de sa barque. Ces pièces avaient pris en se fanant mille teintes variées. La tête, elle, était très vieille. Le plus étonnant, je ne veux même pas envisager ça. Alors je préfère en finir. On n'en parle plus, vous comprenez. Je ne veux pas être dépendre de qui que ce soit. Je n'ai pas envie de ça. Même de votre fils ? Non, non, mais mon fils, je veux qu'il mène sa vie. Là, il va pas avoir la charge d'un vieillard. Non, c'est horrible de penser à ça. Non, non, non. Pour vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes, comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, file sa majesté la mort, la rencontre, la rencontre. Comme une fille de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière, aguichant les hommes en troussant un peu plus haut qu'il n'est décent, sensuaire, sensuaire. Oncle Archibald d'un ton gouailleur lui dit « Va t'en faire prendre ailleurs ton squelette. Fille des femelles des charnées, vive les belles intentinaires, rondelettes, rondelettes. » Est-ce que vous imaginez votre propre vieillesse, Benoît Dutertre ? Bah, c'est compliqué, oui, j'y pense beaucoup. Ouais. Je pense que j'ai lu ça il y a quelques jours dans un journal. Ah oui, c'était le fils de Johnny Hallyday, oui. Qui disait, c'est quand on, parce que son père a un cancer, c'est quand on perd ses parents qu'on devient adulte. Bon, c'est un peu simple comme phrase, mais j'ai un peu ressenti ça avec Disparition de ma mère, d'où le titre de ce livre que j'ai écrit qui s'appelle Livre pour adultes. Mais ça me titille déjà depuis quelques années. J'ai une autre théorie qui est que quand on arrive à peu près à la moitié de sa vie, ou à ce qu'on pourrait estimer comme étant la moitié de sa vie, plausiblement, tout d'un coup, c'est comme une balance, vous savez, qui s'inverse à cause du poids. Le poids de ce qui précède devient plus important que le poids de ce qui vient. Donc on s'intéresse plus au passé et en même temps, on est plus préoccupé par le peu qui reste, etc. Donc il y a un basculement, je pense, à 40 ans ou 45 ans, qui fait que, d'abord, j'ai plus du tout honte d'aimer les choses du passé. Ça, c'est bien. Je cherche plus à me défendre, à dire non, je ne suis pas nostalgique, je ne suis pas réactionnaire, je ne suis pas... Non, oui, j'aime toutes ces choses du passé. Et deuxièmement, par contre, je suis beaucoup plus angoissé par l'approche de la vieillesse et de la mort. Effectivement, je réfléchis à des tas de possibilités, mais j'ai toujours été un peu hypochondriaque aussi. Et puis j'ai toujours fait beaucoup d'excès, donc j'imagine toutes les formes de punitions qui vont pouvoir me tomber dessus, à moins que j'ai beaucoup de chance. Mais j'aimerais beaucoup vivre très vieux. Je préférerais vivre vieux et gaga. Mourir vieux en ayant perdu la tête, pour moi, c'est quelque chose que j'aimerais assez parce que justement, j'ai l'impression que ça me délivrerait un peu de l'angoisse de la mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Non. Parce que je ne serais plus conscient de ce que je suis, mais le plus tard possible. Mais vous seriez dans une institution avec des gens. Peut-être, oui, ouais. Mais puisque je ne saurais plus bien qui je suis, ce serait plus trop grave tout ça. Alors, il y a soit la mort brutale. Soit là, mais encore que là aussi, si je reprends l'exemple de ma mère, Ça dépend, hein. Je pense qu'il y a des... Par exemple, j'ai ma grand-tante que j'aimais énormément, qui vient de mourir à l'âge de 99 ans. Voilà, les deux dernières années, elle a commencé à s'y perdre complètement dans le présent, le passé, le machin. Puis voilà, puis ça s'est terminé tout gentiment, tout simplement, sans angoisse. Elle est morte. Et c'était parfait. Ma mère, ça a été autre chose, c'était la maladie d'Alzheimer, c'est autre chose. Parce que là, c'est une perte de mémoire sévère et qui ensuite conduit vers une forme d'enfermement sur soi où il y a une part d'angoisse énorme, une angoisse animale. C'est-à-dire qu'on a beau avoir perdu conscience de vraiment de qui on est, avec qui on est, il y a cette chose qui tourne au fond de soi et qui se traduit par des déambulations jour et nuit, par enfin une chose de profonde angoisse. Alors ça, par contre, ça c'est terrifiant, quoi. Donc, idéalement, pour moi, c'est une crise cardiaque à 100 ans passés, en ayant été en pleine forme jusque-là. Mais bon, s'il faut que je me retrouve dans une institution, bah on verra, je sais pas. En tout cas, faut y penser, parce que c'est vrai que ça... C'est terrible. J'ai connu tellement de personnages extraordinaires à 95 ans, qui avaient cette espèce de volonté de prouver que voilà qu'ils avaient toujours une vitalité, une jeunesse d'esprit, etc. Et puis un an ou deux ans après, tout s'effondre, ça va plus bien du tout. Ils sont il y a quand même une grande part de souffrance morale dans la vieillesse qui finit malgré tout au moins un moment par l'emporter. C'est terrible. The sky is blue, just as far as I can see. On meurt où, par exemple, en France? On meurt où? À l'hôpital, à 90%. C'est inhumain. Pourquoi on meurt à l'hôpital? Quelle est la nécessité de mourir à l'hôpital? Parce que vous risquez de ne pas être bien soigné. Si vous y êtes mort, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Donc, il vaudrait mieux privilégier aussi de pouvoir mourir dans son logement, de mourir chez soi. Et voilà. Enfin, en Suède, les chiffres n'ont rien à voir. C'est-à-dire que la plupart des gens, une grande majorité des gens, meurent à leur domicile. « 1er juillet, je dois me rendre à l'évidence, je ne marche plus très bien et je ne m'y résous pas. Les fatigues de l'âge me sont tombées d'un coup sur les genoux. Je suis fort, mais la statue a des pieds d'argile. Du monde extérieur, ce qu'on me dit et ce qui me parvient ne semble pas avoir le moindre intérêt. Les événements sont intérieurs. » Julien Green, le grand large du soir. Est-ce que vous lisez, Daniel Defer, des textes où vous avez souvenir de textes littéraires, de fiction avec des vieux? Ah bah, il y a quand même La mort d'Ivan Illich, qui est quand même un des grands textes pour toute cette histoire-là. C'est celle où Philippe Ariès avait montré que c'était quand même un tournant dans notre rapport à la mort. Et ça, c'est vrai que c'est un texte qui m'a beaucoup marqué. C'est un moment pivot quand même dans la compréhension de la mort, de la maladie, de la vieillesse, de sa négation. Je suis un peu dans la négation. Là, j'ai, là tout récemment, cette semaine, enfin, oui, on l'a enterré hier, donc c'est lundi dernier, est mort un de mes amis au milieu de ses enfants. Ses enfants étaient prévenus qu'il était dans un état grave et ils sont restés le veiller jusqu'à son dernier souffle. C'est extraordinaire pour moi, parce que c'est extrêmement rare de mourir au milieu de ses enfants. Aujourd'hui, on meurt à l'hôpital. Aujourd'hui, comme Foucault l'avait si bien décrit, la mort, c'est un effacement. C'est-à-dire que c'est progressivement... On est maintenu jusqu'à l'extrême limite de ses forces, on s'efface. alors qu'autrefois c'était une mort solennelle au milieu de ses proches. On pouvait dire des mots historiques, on en avait encore la force. Aujourd'hui on n'en a plus la force, on n'a plus de force du tout. Et là cette amie qui est Claude Friot, qui était mon doyen à l'université de Paris de Vincennes, est mort entourée de ses enfants. Et j'ai trouvé ça exceptionnel et très beau que de l'avoir fait. Non, je crois qu'on est aujourd'hui dans la mort effacement, c'est-à-dire la mort solitaire à l'hôpital, avec souvent un cocktail. Non, j'ai eu des étudiantes qui m'ont raconté des fins de vie dans les hôpitaux. C'est pas glorieux. Elles sont souvent programmées en dépit de la volonté de la personne. Aussi bien celles qui la demandent que celles qui la refusent sont à peu près traitées de la même façon. Il faut simplement que ça pose le moins de problèmes au service, qu'il n'y ait pas quelqu'un dans le service qui fasse objection et problème juridique. Et autrement, ça se fait. Jean-Paul Caracalla, est-ce que en vieillissant, vous avez craint les changements physiques ? Je les crains, mais... il ne m'est pas arrivé de pépins sur ce plan-là. Je continue. Je fais exactement l'été, la nage que je faisais il y a 50 ans. Le tour de la baie, là, je le fais sans effort. Mais physiquement, peut-être que quand je marche, j'ai un peu mal au dos. Enfin, j'ai des petites bricoles qui sont classiques à mon âge. Hein. Et toujours fumeur de Havane ? Ah oui. Ah oui, la cave. La cave, oui. Edmundo numéro 2. Ah, que du Edmundo numéro 2. Edmundo, oui. Mais ils sont courts. Des petits Corona. C'est des Robusto même, non ? C'est Robusto. C'est des Robusto. Mais c'est Robusto, mais court. Oui, oui. Et... mais pourtant, c'est plus dur au goût que les qu'un double Corona, je trouve. Les doubles Corona sont très longtemps plus doux. Oui, parce que quand on arrive vers la fin, ça commence à piquer, oui. Mais là, ceux-là, ils sont très, très agréables. Hein. Et puis, alors, on ne met pas 3 heures pour fumer un cigare. Parce que moi, je me souviens, avec Descartes, on achetait des numéros 1 à Monte Cristo. Il fallait passer l'après-midi à discuter pour finir le cigare. Et c'est ça qui participe de ce bonheur de prendre le temps. Ah oui, ah, oui. Le cigare, c'est ça. Même seul, ici, je peux, en lisant, bon, fumer un cigare tranquillement. C'est vraiment, je ne sais pas, c'est synonyme de relax, de bonheur aussi. Benoît Dutertre, est-ce que les vieilles personnes que vous recevez sur France Musique, si elles sont joyeuses, c'est parce qu'elles gardent un contact avec la vie actuelle. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas tournées trop vers le passé. J'entends bien ce que vous dites. Je ne suis pas tellement sûr de ça. C'est vrai que ce serait la théorie qu'on pourrait imaginer, c'est-à-dire que des personnes âgées qui veulent être modernes, qui s'intéressent à ce qui se passe, etc., vivent mieux... que des personnes qui sont enfermées dans leurs souvenirs, etc., etc. Moi, ce que je fais à la radio, c'est tout à fait le contraire, puisqu'il s'agit de faire revivre des quantités de souvenirs de ces très vieilles personnes, et elles adorent ça, bien souvent. Et combien de fois j'ai eu des vieilles chanteuses d'opéra ou d'opérette qui ne voulaient pas faire l'émission, puis me disaient qu'elles ne voulaient pas parler d'elles, que ça ne les intéressait pas. Et puis, une fois qu'on est là, qu'on commence à passer des musiques, qu'on commence à revenir, elles sont enchantées, et elles sortent du studio vraiment contentes d'avoir revécu tous ces moments. Bon, voilà, ces personnes qui vivent âgées en bonne santé, peut-être souvent, effectivement, ont quand même une vitalité, une capacité d'adaptation très grande. Mais c'est pas forcément une rupture avec le passé. La maison est à vendre, la maison est à prendre, il va le vendre la maison. Il y a même des gritos pour dire ces mots, à vendre. Vieille maison, là je peux pas te donner raison. Elle est si jolie avec ses volets verts, ça fraîcheur l'été et sa douceur l'hiver. Y a des souvenirs au fond de chaque tiroir, des parfums dans les placards, les trains qui vont la nuit nous chantent des chansons. Maman ne vend pas la maison. Le temps passe très vite et les années nous quittent. Un jour, on est un grand garçon. Mais toi, malgré tes quelques cheveux gris, tu es jolie. Maman ne vend pas la maison. Mais vous trouvez, Daniel Defer, qu'il y a des gens qui prévoient davantage que vous leur vieillesse, ou qui y pensent davantage que vous? En tout cas, les gens en parlent. Enfin, je vois, on fait des maisons pour seniors, bon, on fait des associations pour seniors. Il y a des tas de choses qui existent, enfin, apparemment pas assez, puisque les gens se plaignent qu'il y a des carences. Mais enfin, il y a un certain nombre de gens qui réclament des choses, qui vivent avec des gens de leur âge, qui n'est vraiment pas mon désir. qui acceptent vivre dans des maisons où il y a des collectifs. Et j'ai hélas deux frères plus jeunes que moi qui sont lourdement handicapés depuis peu et qui sont l'un et l'autre, pour des raisons complètement diverses, sont deux jumeaux, dans des maisons. Ils ont 73 ans et ils sont avec des gens qui ont 85 ans. La moyenne dans ces institutions, c'est 85, 90 ans, et c'est épouvantable pour eux. Il y en a, heureusement, il n'a pas beaucoup de conscience, a perdu la mémoire, il le subit plus facilement. L'autre, qui a une paralysie des jambes, ne le supporte pas. Bon, donc on est obligé, effectivement, confronté à cette éventualité. Mais je pense qu'on ne peut pas prévoir. Donc, je ne sais pas par quoi ce sera atteint. À quoi bon anticiper? Je suis toujours méfiant à l'égard de toute anticipation. Non, je pense que c'est très difficile d'anticiper la vieillesse. Alors, bon, une personne, mon ami André Bernheim, sa fille Emmanuelle a fait un très beau livre sur sa mort. Bon, avec un courage, mais c'était quelqu'un qui avait été toujours très courageux, la résistance. Et donc, il a eu ce courage d'aller en Suisse. Bon, j'avais dit que je l'accompagnerais. Et puis, j'étais opéré du cœur à ce moment-là, donc je n'ai pas pu. Mais c'est très, très rare de pouvoir. J'ai souvent songé, je suis pour l'euthanasie, mais médicalement assistée, faire ça soi-même, on se rate souvent, et c'est pire. Donc... Mais je trouve que c'est extrêmement difficile. Je ne suis pas sûr d'en avoir le courage. Parce que finalement, il faut le faire quand on est encore conscient. Et quand on est conscient, est-ce qu'on a envie que ça cesse? Et au moment où on n'est plus conscient, ben, heureusement, on n'est plus conscient. Mais non, je crois que c'est très très difficile. C'est pour ça que l'anticiper, croire qu'on pourra le maîtriser, qu'on saura le maîtriser, je n'y crois pas. Alors à quoi bon y penser? Non, en tout cas, vous voyez, c'est une chose dont je préfère, au fond, c'est un domaine que je ne veux pas penser. D'en plus, c'est pas la mort qui est la chose, c'est le mourir. Et c'est ça, penser le mourir, c'est très difficile. La mort, c'est quand même abstrait, on peut en parler, bon, voilà. J'ai fait un testament il y a bien longtemps sans aucune appréhension. Enfin, c'est le genre de choses qui sont aisées à faire, prévoir abstraitement les choses pour les autres, mais prévoir le mourir, ça c'est autre chose. Votre père doit être capable de prendre lui-même le verre et de le boire tout seul. Sinon, on ne peut rien faire. Nous l'assistons dans son suicide. Mais ce n'est pas nous qui le tuons, n'est-ce pas? Mon pouce se décolle de l'enveloppe. Je la fourre dans mon sac. Je pourrais aussi bien la jeter à la poubelle. Nous n'en aurons pas besoin. Mon père n'ira pas en Suisse. Dès que la dame lui aura tout expliqué, il changera d'avis, j'en suis sûr. Mon portable sonne. Un numéro interminable s'affiche. La dame suisse. Madame Bernheim? Oui, tout s'est bien passé. Je me lève d'un bond, j'ai la tête qui tourne. Alors votre père était de bonne humeur. Il a bu la première potion, et puis la deuxième. Il l'a trouvée amère. Il a dit qu'il aimait mieux le champagne. Nous avions mis de la musique, un quatuor de Beethoven, et il s'est endormi. Et j'ai eu vos messages. Ce n'est pas la peine que vous fassiez le déplacement. La police est venue, les pompes funèbres aussi, les formalités sont faites. Tout s'est bien passé. Vous étiez près de lui quand il est mort ? Oui, je lui ai tenu la main gauche. Tout s'est bien passé, Emmanuel Bernheim. Nous attachons une si grande importance à notre vie que la plupart d'entre nous en arrivent à négliger complètement leur mort. Or, peut-être nous suffirait-il de considérer que la mort fait partie intégrante de la vie pour qu'aussitôt nous prenions un plus juste souci de la nôtre. Nous admettons volontiers que c'est un dénouement, mais il n'apparaît pas que nous le préparions avec assez de soin. Et pourtant, nous savons fort bien qu'un dénouement n'est réussi que s'il s'accompagne ou d'un geste ou d'un mot destiné à frapper l'imagination de ceux qui le recueillent et qui vont le répandre. Jean-Paul Caracalla, est-ce que vous parlez de la mort avec vos filles ? Je leur en ai parlé une fois parce que je leur ai dit qu'elles n'avaient pas à se soucier. J'ai fait tout ce qu'il fallait, j'ai même ma tombe. C'est très drôle parce que le jour des morts, j'étais au cimetière, j'étais sur ma tombe. Donc tout est déjà écrit ? Oui, enfin, non, c'est sauf pas la écrit, date, mais il y a la pierre, il y a tout. La tombe est là, tout est préparé. Puis il n'y a qu'à 4 numéros à faire et j'ai une sorte de forfait, on vient me chercher. J'ai même choisi le bois de mon cercueil, le métal des poignets, parce que on vous demande tout ça. Moi, je m'en foutais que les poignets soient en argent ou en aluminium, c'est complètement indifférent. Mais enfin, on vous demande tout ça. Donc, j'ai tout fait, tout préparé. Donc, mes filles n'auront aucun problème. À quel âge vous vous en êtes occupé de votre tombe ? Écoutez, j'ai un ami écrivain qui m'a dit un jour, mais tu devrais être occupé de tout ça. Ça m'a frappé sur l'instant. Puis après, je me suis dit, ben oui, je suis mortel. Donc, j'ai suivi ses conseils et j'ai tout fait. J'ai d'abord été chez Bordiol à choisir la façon dont je voulais que tout ça se déroule, parce que je voulais pas une grande messe et un truc, mais un petit truc à l'église pour faire plaisir à mes filles et à mes amis, mais sinon moi, ça m'intéresse qu'à moitié. Vous avez pas l'air d'avoir trop de soucis pour ce qui est de l'au-delà. Non, j'ai pas de soucis. D'abord, je n'ai rien, moi. J'ai pas de biens, j'ai pas de maison de campagne, d'immeuble, jusqu'à là, c'est tout. Et puis, je ne me fais pas aucun souci. J'ai bien arrangé les trucs, et mes filles n'auront pas de soucis, en tout cas. Et ça, j'y tenais beaucoup. Et vous êtes croyant ? Oui, j'ai été baptisé, j'ai fait ma première communion. Je me suis même un premier mariage à l'église. Depuis, j'ai fait d'autres mariages. Et donc, je suis croyant comme ça, ça ne me travaille pas du tout, du tout, du tout. Je me compare toujours, je me dis quand je serai mort, c'est comme une feuille morte, elle tombe de l'arbre, et puis elle trenaille un peu, et hop, elle tombe en poussière. Voilà, je suis une feuille qui n'est pas encore morte. Soudain, une force inconnue le frappa à la poitrine, au flanc, sa respiration s'étrangla encore davantage, il tomba dans un trou et là, tout au bout du trou, il vit briller quelque chose. Il eut cette même impression qu'il avait connue en roulant dans un wagon de chemin de fer. Quand on croit qu'on va de l'avant, alors qu'on recule, et qu'on s'aperçoit tout d'un coup de la vraie direction dans laquelle on va. Oui, rien n'a été ce qu'il fallait, se dit-il à lui-même, mais ce n'est pas grave. On peut faire ce qu'il faut. Mais c'est quoi ce qu'il faut ? Se demanda-t-il. Et brusquement, il cessa de crier. C'était la fin du troisième jour, une heure avant sa mort. Léon Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch. Vous pouvez, Daniel Defer, raconter en quelques phrases La mort d'Ivan Ilitch ? Oh, ben, si vous voulez, c'est Tolstoï qui le montre. C'est la première fois c'est la première fois dans la littérature, ou dans la grande littérature, où on cache à une personne qu'elle est en train de mourir, on lui dit simplement qu'elle est malade. Et on traite la mort comme une maladie. Et c'est comme ça que la mort effacement s'impose, mais en n'ayant plus l'affrontement de la vérité avec la personne qui va mourir. C'est-à-dire s'il pouvait y avoir de grands dans l'affrontement de la mort avec la personne, bon, ben, on l'occulte, on n'affronte plus, et on traite la mort comme une maladie, comme si c'était quelque chose dont on allait peut-être se sortir. Je crois qu'on est dans ce monde-là, depuis Tolstoï. Il y a une phrase de Sartre dans « L'idiot de la famille » qui est « On entre dans la vie d'un mort comme dans un moulin ». Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Jean-Paul Caracalla ? On entre dans la vie d'un mort comme dans un moulin. Oui, c'est-à-dire que si c'est un ami ou si c'est... moi, j'ai perdu ma femme, je peux dire que j'entre dans sa vie encore, j'y pense, et quand on vit 50 ans avec quelqu'un, c'est fou le nombre de souvenirs qu'on peut avoir. Donc je rentre un peu dans cette vie-là. Et vous parlez de la mort de votre femme avec vos filles, ou vous en parlez peu ? Oui, mais on en parle gaiement, parce qu'on l'évoque souvent en se souvenant de ses défauts, de sa cigarette, parce que... Il n'y a pas un instant où on la voyait sans avoir une cigarette entre les deux doigts, qu'on voit sur les photos, tout ça. Alors, on se souvient de tout ça. Et puis elles étaient très proches de leur mère, et leur mère les adorait. Enfin, ce côté-là familial, on n'a vraiment aucun problème. Mais il y a des gens qui le vivent très mal, par la solitude, je parle des gens qui ont des enfants et qui se voient abandonnés par leurs enfants. J'ai pas d'enfants. Il y a des tas de situations, ils font, quand on a vécu toujours, non pas seul, j'ai eu la chance d'avoir un compagnon stable et fabuleux, mais sans doute que avoir eu une grande expérience amoureuse dans sa vie, ça peut aussi changer la vieillesse. Comment ? Parce que je pense que même le veuvage, c'est pas la solitude. On a quand même toujours quelqu'un dans son horizon. Moi, Michel Foucault, maintenant ça fait plus d'années qu'il est mort, il y a d'années que nous avons vécu ensemble. On a vécu 25 ans et ça fait maintenant plus de 30 ans qu'il est mort. Mais bien sûr, je ne veux pas dire que c'était que je vivais comme s'il était là, mais je n'ai jamais vécu seul après. Franchement, j'ai toujours vécu dans cet horizon, dans cette présence, dans ce souvenir, le travail sur son œuvre, tout ça. Donc c'est pas pareil. Donc ce qui constitue la solitude des gens n'est pas la même chose pour tout le monde. Et j'ai la chance que jamais eu l'impression de cette solitude, quoi. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la vieillesse comme une solitude. Et j'ai quelques camarades qui s'occupent de l'association. Petit frère des pauvres qui se déplacent, moi j'aurais pas le courage. Mais ils abordent une vraie solitude, quoi. J'aurais pas la capacité de l'affronter. Autant la solitude, la tragédie des gens jeunes affrontés à leur mort, c'est quelque chose qui me concernait. autant affronter son destin. Bah, oui, bah, ça fait partie là, des évidences qu'on sait depuis toujours. Je crois, dans l'histoire du sida, on a eu à affronter cette chose. C'est les Américains qui me l'ont appris très tôt. Enfin, là, dès que j'ai commencé à fréquenter les associations américaines, ils m'ont convaincu d'une chose, que je crois que finalement, on apprend la mort très jeune. On apprend ce que c'est très jeune et on constitue des défenses très jeunes. Et au moment où les gens ont découvert leur séropositivité, leur contamination, dont ils étaient confrontés à la mort, et il y avait la tentation, effectivement, de recourir à l'analyse, à la psychanalyse. Et puis, il y avait aussi cette tentation américaine de s'appuyer sur les ressources que les gens avaient déjà développées et de construire leur défense sur ce qu'ils avaient déjà construit, et non pas une anamnèse de tous les drames qu'ils avaient pu déjà, non pas les fragiliser par une anamnèse, mais au contraire les consolider parce qu'ils avaient déjà fait face. Et alors, mais il y a une chose très très drôle. Quand j'étais jeune, un jour, on avait beaucoup parlé d'un ami qui était mort. Et comme souvent après la mort, on fait des fausses reconnaissances, on croit reconnaître les gens, même, vous savez, combien de fois j'ai cru rencontrer Michel Foucault dans les mois après sa mort. Et tout gosse, j'ai vu monsieur Intel dans la voiture. Et ma mère dit, il est mort. Et alors j'ai compris que mourir, c'était changer d'identité. J'ai trouvé ça formidable. On pouvait changer d'identité. Alors, c'était un secret. Donc, comme moi, je voulais changer de sexe, j'ai trouvé que c'était formidable. On pouvait vivre et mourir, on pouvait peut-être être un garçon et une fille. Donc, il y avait une mutabilité dans l'existence qui était un plus. Et je pense que si je voulais analyser un peu comme vous y incitez par votre présence discrète et vous entraînez sur les chemins analytiques, je pense que cette espérance dans un changement d'identité qu'est la mort, ça a dû traverser ma vie. Donc, c'est pas catastrophique. Je ne crois pas à la résurrection, mais une autre identité. La mort en tant que telle, c'est aussi très compliqué à aborder, comme ça. C'est difficile. On a très rarement des demandes de suicide assisté, par exemple. Alors qu'on est dans la grande vieillesse et la grande dépendance. C'est quelque chose qui nous arrive très occasionnellement. Et là, on a la chance d'avoir une psychologue qui nous aide et qu'on envoie ensuite et discuter avec la personne et discuter avec les gens qui entourent la personne, les professionnels, parce que ça peut être lourd à porter, quoi. Mais c'est plus aussi une difficulté de se réapproprier la vie. Une personne âgée qui a perdu tout, parce que quand on atteint 100 ans, souvent, on n'a plus d'entourage. Les conjoints, les frères, les sœurs sont décédés, hein. Parfois les enfants. J'ai connu quelqu'un dont on s'occupait qui avait 105 ans, il n'y avait plus personne. Ils étaient tous décédés. Elle se demandait bien pourquoi elle était encore là. Il y avait une arrière-petite-nièce. Hein. C'est plus dans la position de logique de la vie où il y a un hiatus. Quand on a cet âge-là, qu'on a enterré ses enfants, ça doit être très compliqué et très douloureux. Si fort que les êtres tiennent à la vie, quand ils jugent qu'une vie ne présente plus assez de qualité de vie, la mort soudain n'arrive jamais assez vite. Alors les proches évoquent l'euthanasie, quand il ferait mieux de réfléchir à leur propre incapacité à faire face à cette situation nouvelle. La vraie question, veut-on délivrer le malade de la maladie ou se délivrer soi-même du désarroi ? Arnaud Geiger, le vieux roi en son exil. mes derniers amis avec qui je pouvais parler sont... Oh, j'ai perdu 3 ou 4 amis cette année, c'était les dernières. Alors, leurs enfants sont très gentils avec moi, mais je ne les vois pas. Enfin, c'est... Ils me font signe et on m'invite ça tout de suite après. Mais c'est pas... C'est normal, enfin, je trouve... Voilà. Mais je trouve très... C'est curieux comme... La solitude me pèse beaucoup plus maintenant que quand j'étais plus jeune. C'est quand Freud dit une carapace d'insensibilité se forme lentement autour de moi, je le constate sans m'en plaindre. C'est une évolution naturelle, une façon de commencer à devenir inorganique. C'est ce qu'on appelle, je crois, détachement propre au grand âge. Cela doit être en rapport avec un tournant décisif dans la relation entre les deux pulsions dont j'ai supposé l'existence. Le changement n'est peut-être pas très voyant, tout est resté aussi intéressant qu'autrefois, les qualités non plus n'ont pas subi de grandes modifications, mais il manque comme une sorte de résonance. L'idée de la résonance, et puis de ce qu'il dit parce qu'à la fois il peut dire « il manque comme une sorte de résonance » et en même temps, juste avant, il dit « tout est resté aussi intéressant qu'autrefois ». C'est-à-dire que Freud, comme bien d'autres personnes, hein, peut dire qu'en effet, il y a moins d'ampleur. Ce qui est précieux, hein, parce que le « moi » se fragilise aussi avec le vieillissement, du fait des coups qu'il prend. Hein. Et Freud dit d'ailleurs à Lou André à Salomé, c'est peut-être dans cette même lettre ou dans une autre, il dit « mais c'est pas à 78 ans qu'on retrouve un « moi ». En gros, on fait avec celui qu'on a. Et si le moi peut se protéger et qu'il y a en effet moins de résistance, parce que moins d'excitation, moins de conflits avec soi-même et avec l'environnement, eh bien tant mieux. Mais ça ne veut pas dire que les expériences que l'on fait avec les autres sont moins intéressantes. Justement, vous voyez, c'est un équilibre subtil et qui n'est jamais établi pour toujours, mais qu'on peut observer chez des gens qui vieillissent, qu'on peut observer bien avant, mais qu'on peut observer chez des gens qui vieillissent. C'est une possibilité de contenance et de tempérance. C'est-à-dire de pouvoir à la fois toujours éprouver, mais sans que ce soit trop débordant, parce que justement l'appareil psychique est quand même en difficulté pour traiter trop d'excitation intérieure ou extérieure. Mais ça se travaille ou c'est naturellement que avec l'âge, que nous faisons taire les excitations? C'est compliqué de dire que c'est naturel. Je pense qu'il y a des potentialités psychiques que l'on peut voir chez tel ou tel, que l'on peut repérer chez des gens jeunes, et puis on peut voir que finalement, ça n'est pas si efficace que ça. C'est des mécanismes qu'on appelle, c'est un peu technique comme terme, mais c'est ce qu'on appelle des mécanismes de défense, qui permettent de lutter contre l'angoisse, vous voyez, qui permettent de mettre au travail, au sens où l'appareil psychique se saisit de ce qui peut venir susciter du déplaisir et vise à, avec plus ou moins de violence et d'efficacité, vise à essayer de colmater les brèches. Si les mystères de la vie vous mènent à zéro, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi lorsque tombe la pluie, nous vient-elle d'en haut? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi la lune a-t-elle une influence sur les marées des océans immenses? Pourquoi le pendit-il Léon le coq, cocorico? Alors, après la mort de Foucault, je me suis retrouvé... Hervé Guibert a raconté cet épisode de façon un peu méchante dans son livre fameux « L'amitié ne m'a pas sauvé la vie ». Je me suis retrouvé chez Hervé Guibert à l'île d'Elbe devant un couple de vieux messieurs. Et j'ai fondu en larmes en me disant « mais je ne connaîtrai jamais ça ». Alors que je l'avais toujours redouté. Je me suis dit « bon, là, ça n'arrive jamais » et tout ça. Et puis en voyant ces vieux messieurs qui avaient tant d'années ensemble, je me suis effondré en larmes. Alors Hervé Guibert, ouais, la veuve nous emmerde avec ses pleurs. Je ne sais plus quoi, truc assez désagréable. Mais il n'a pas su quelle était l'émotion. Là, j'avais eu une frustration. Mais rétrospectivement, je ne peux pas dire que ce soit une frustration. Parce que affronter le vieillissement à deux, c'est peut-être plus facile, mais c'est pas beau. Bon, excusez-moi d'être un peu esthète. Vous êtes né en quelle année, Daniel Defer? 1937. Où ça? En Bourgogne, une petite ville. Et donc, ça va faire 80 ans. cette année. Ça fait beaucoup. Mais je le dis, mais avec une conscience obscure. J'en suis pas complètement certain. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier ? J'ai eu la chance d'avoir une carrière universitaire. J'étais maître de conférence à Paris 8. C'est-à-dire que c'est une... surtout à la période d'après 68, une période où on a travaillé sans véritable hiérarchie. Or, quand les gens parlent de leur travail, ils parlent essentiellement de conflits hiérarchiques. Tous les gens qui parlent de leur travail parlent de conflits et de conflits d'hiérarchie. Je n'ai pas l'impression d'avoir travaillé parce que je n'ai pas eu de conflit hiérarchique. J'ai été assez maître de mes sujets d'enseignement, des horaires, tout ça. Donc j'ai à peine conscience d'avoir travaillé. J'ai eu l'impression d'avoir une vie heureuse en face de gens toujours jeunes. Les élèves, mes étudiants. C'était assez formidable. Non, j'ai eu une vie heureuse. J'ai eu la chance de rencontrer très jeune Michel Foucault. À quel âge ? Bon, je devais avoir 23, 24 ans, puis lui 33, 34 ans. Passé 25 ans dans son affection et la discussion avec lui, ça fait quand même, ça vous comble une vie. Hein. On n'a plus grand-chose à demander. Après, j'avais une amie qui me disait, écoute, t'as eu Foucault, t'as eu ta mère, qui était une personne, tu n'as plus rien à demander à la vie. Et j'en suis tout à fait d'accord. Mais néanmoins, j'ai reçu encore un peu après. Donc vous voyez, j'affronte la vieillesse avec un passé qui me soutient. J'aime la vie quand elle rime à quelque chose. J'aime les épines quand elles riment avec la rose. J'aimerais même la mort si j'en sais la cause. Rime ou prose. La mort, dernière aventure. Virginie Bloch-Lenné, Clotilde Pivin. Réflexion faite, plus qu'en adepte, j'adopte. Avec Louis Strève, André Fitoussi, Benoît Verdon, Gilbert Elser, Benoît Duteurt, Francis Carrier, Jean-Paul Caracalla, Louise Phillips et Daniel Defer. Mon pas n'est pas net, mon pas n'est en fait. Mon pas n'est pas net, si je m'arrête. Prise de son Laurent Macchietti, Arthur Gerbeau, Clémence Bonfils, Hélène Langlois. Mixage, Cédric Châtelus et Claude Nior. Aujourd'hui, nos fêtes, plus que sur fêtes. Coordination, Bérine Kervran et Marie-Vonne Abolivier. Pris sur la fête, l'heure ainsi plate, un alerte. C'était La mort, dernière aventure, un documentaire de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Je n'y suis pas disposée, cet entame m'étonne. Ça m'étonne. Je n'y suis pas disposé, cette entame m'étonne, m'étonne. Je n'y suis pas disposé, ça m'étonne. Vieux, vieille, retraité, centenaires, inoxydables ou septuagénaires, kakoshim, LSD, c'est fini pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en randonnée, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.